Exercice de style. Exercice de style, c'est pour les frères de la rue, de la zone, ou de ceux qui ont les yeux qui zooment ici. Noyé dans les soucis, j'ai froncé les sourcils. Pour pas l'entendre, il faut être sourd, sûr. Quand j'y pense, nous l'avenir se joue entre le ferme et le sursis. Toi qui sais tout, j'ai une concept qui suce son sol. Et que naturellement, quand tu as peur, tu sursautes. C'est pas terrible, mais je suis pas ton pote. Je veux pas tes plaintes de début, tes TMZ qui ont leur flow à plat. Ici, la haine en nourrit plein, on se force à vivre bien. La rime vibre bien, on vise loin. Là, y'en a qui tirent les ficelles comme ceux qui valident les visas. 59 000 cellules, on kiffe l'argent et l'or. J'ai l'air des jeunes, des gens d'ici, alors j'y pense à en faire un EP. Le son de tous les désorientés en BEP. Nous on comprend rien au stock option et au compte offshore. On est là pour raconter autre chose, kicker les rimes en one shot. Bah ouais c'est chaud, achète-nous un skin, un moche que chez toi un shoot. De toute façon on veut tous faire une carrière dans le rap ou le foot. Mais tout ça c'est instable et flou, alors je me lance dans tout ce qui ramène des fonds. Je veux chanter, me prends la tête avec des patrons fachos. Puis je rentre chez moi et j'écris des chansons sur des sujets fâcheux. Je le fais avec passion, enfin bref passons. On a la talent, rappel loin d'être un festin. Je suis venu l'infester de rimes exhaustives. Fait dans l'ambiance n'est pas festive. J'ai perdu l'envie de rire et j'ai des euros à faire pousser sur des terres peu fertiles. Exercice de style, même en freestyle j'ai plus le temps de faire style. On a la dalle, le rap est loin d'être un festin. Je suis plus l'infesté de rimes exhaustifs. Fait dans l'ambiance n'est pas festive. J'ai perdu l'envie de rire et j'ai des euros à faire pousser sur des terres peu fertiles. Exercice de style, même en freestyle j'ai plus le temps de faire style. Exercice de style, même en freestyle j'ai plus le temps de faire style. J'ai plus le temps de faire style. J'entame la deuxième rafale, comme une mauvaise impression qu'il sera folle. Pourtant il sirène et raffiné, même la drogue a un mauvais goût de coupage à la paraffine. Depuis que sur les instruments on part à fond, je me dis que ça pouvait pas être pire. Je pars dans des thèses où j'ai la hantise de jamais partir d'ici. Et pour réussir, je sais pas de quel pied je pars. Je me dis qu'il y en a qui pichent, sûrement pas quand je parle. J'ai pas de chanteuse de R&B, juste l'aigreur dans le débit. Et ça depuis le début, plus le temps passe. Puis je trouve les époques crades comme une meuf réglée qui met pas de temps pax. Fais-nous pas ce style que t'entends pas. Pour faire des thunes, on t'attend pas. Je vais sortir un disque comme un attentat. Si le rap est un RP, je vais le pirater. Les rimes sur les intrus, c'est comme les caisses, j'kiffe les piloter. Mets-toi à l'aise, fais un pilon, pète un flash ou une 16. Fais même un ami si tu kiffes la 16. Je vais niquer la musique de France comme la plombe de la 6. Alors ouais, je sais, beaucoup voudraient que je scie la branche sur laquelle on est assis. Ils en ont assez, m'ont rappelé Fuma, là où mon popo a l'essence de viser tout pile. Ils en deviennent tout pâle, bouleversés comme à la mort de Tupac. Demande à un pute quand les crews braquent. Ils veulent tous nous faire croire que c'est des branques et nous faire croire qu'ils ont tous fait des banques. Ici c'est la merde, ça part en couille tout pas. Alors on court après les thunes, une retraite à Dubaï. On a la talent, rappel loin d'être un festin. Je suis l'infesté de rimes exhaustifs. Fait dans l'ambiance n'est pas festive. J'ai perdu l'envie de rire et j'ai des euros à faire pousser sur des terres peu fertiles. Exercice de style, même en freestyle j'ai plus le temps de faire style. On a la talent, rappel loin d'être un festin. Je suis l'infesté de rimes exhaustifs. Fait dans l'ambiance n'est pas festive. J'ai perdu l'envie de rire et j'ai des euros à faire pousser sur des terres peu fertiles. Exercice de style, même en freestyle j'ai plus le temps de faire style. Les rappels loin d'être un festin. Je suis venu l'infester de rimes exhaustifs. Fait dans l'ambiance n'est pas festive. J'ai perdu l'envie de rire et j'ai des euros à faire pousser sur des terres peu fertiles. Exercice de style, même en freestyle j'ai plus le temps de faire style. On a la taille, les rappels loin d'être un festin. Je suis venu l'infester de rimes exhaustifs. Fait dans l'ambiance n'est pas festive. J'ai perdu l'envie de rire et j'ai des euros à faire pousser sur des terres peu fertiles. Exercice de style, même en freestyle j'ai plus le temps de faire style.